aproveché. Birigo bè sorti travay, boudin zak a kriye. Teni an ti mouman, midi te zakone. Amélie même dans la cuisine, café en tout ferait tien. Mary Robert marché, pas si trouver ça qu'à prendre comme temps. Quand on l'en parle et t'en aille, y a ciseaux à table. L'homme ayant pas ma joie, il a qu'à bougonner. Amélie café, wol patan, il cache, il chante et baille. Mary Robert viré marché, Amélie commence à aller. Mary Robert, tout fait à pas parer. Ou pas kawè, il la kamizote. La mwen tout sa y bon. Les cocottes finit la popo ka soufflé. La mwen tout sa y bon. Attends un moment du ria ka bouilli. La mwen tout sa y bon. Quand on m'en parle ton aïe, y a six au bout à blanc. L'homme yon ba ma choué, il la kabouonne. Amélie café wol batan, y ka jik chante bay. Mary Robert viré fâché, Amélie commence elle. Mary Robert, tout fait à pas parer. La main tout ça est bon. Ou pas qu'à ouais, il a qu'à mijoter. La main tout ça est bon. Cocotte finie là-bas quand même qu'à souffler. La main tout ça est bon. Attends un moment, tu y a qu'à bouillir. La main tout ça est bon. Tout fait le tien. Ah, vous ça bon. Tout fait le tien. Ni citron, il faut qu'on ni l'oignon, il manque des bois d'aine, il faut qu'on ni bon l'ail, il faut qu'on ni laurier, il pas ni gros du thym, il manque des brins sel, il manque des brins poivre, il manque des clous giroir, il manque des sauce tomate, ou des plaies qui comptaient. C'est ça ou dit? C'est ça ou dit? Alors, c'est comme ça, on est ça, alors.